Donc, nous allons commencer cette deuxième partie de la deuxième session avec M. Bruno Nassim Aboudrar, qui est professeur à l'Université de Paris 3. Et puis, le titre de son intervention, c'est « Le voile s'expose, figure de femme voilée dans l'art contemporain ». Donc là, on passe dans un autre registre qui va mettre en valeur la dimension esthétique et la notion de beauté. Merci. Je voudrais d'abord remercier Macram et les organisateurs de ces journées que je trouve depuis ce matin tout à fait passionnantes et en profiter pour préciser non pas ma subjectivité comme ça a pu être évoqué ce matin, mais simplement ma position de parole qui est un tout petit peu particulière dans cette salle parce que je viens de l'histoire de l'art. Je ne suis ni arabisant, ni spécialiste du monde arabe, ni à plus forte raison spécialiste de questions coraniques, mais là j'aurais pas du tout à les aborder. Je viens encore une fois de l'histoire et de la théorie de l'art, mais il se trouve que j'ai été amené dans ce cadre à m'intéresser à la question du voile comme souvent des questions de visibilité qui me paraissaient intéressantes au titre de la théorie de l'art, et c'est comme ça que j'ai découvert un certain nombre d'artistes contemporaines qui traitent de cette question dans leurs œuvres, et je voudrais simplement, de façon assez légère, vous en présenter quelques-unes. Avant de le faire, donc ce sera une communication, je le répète, assez légère et relativement abondamment imagée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais aussi poser trois points qui sont les trois seuls points, on ne peut pas dire théoriques, c'est même pas théorique, mais disons les trois seuls points de cadrage pour cette petite exposition à laquelle je vous convie en cette fin d'après-midi, d'une part un paradoxe, d'autre part un point sur une situation, et enfin faire état de ce qui me paraît être une tension qui lie toutes les artistes, aussi différentes soient-elles, dont je vais vous parler dans la suite de mon exposé. Le paradoxe est sans doute, du point de vue théorique, le point le plus intéressant. Il s'agit là d'artistes qui, plutôt de femmes photographes, qui photographient le voile musulman, des femmes voilées ou des questions autour. Voilà, donc vous allez voir que la question du voile musulman est thématisée systématiquement dans leur œuvre. Et c'est en soi paradoxal parce que, d'une part, l'islam, je ne vous apprends rien, est une religion très majoritairement iconophobe, enfin, en tous les cas, aniconique, plus exactement, très majoritairement seulement, je sais parfaitement qu'il existe un art iconographique islamique, etc. Je sais, d'abord, il est quand même très amplement essentiellement chiite iranien, mais surtout, je peux tout à fait discuter de cette question avec vous dans la discussion, c'est pas l'objet de ma communication aujourd'hui. Enfin, le fait majeur est quand même une méfiance très ancienne, très ancrée, et très majoritaire de l'islam à l'endroit des images, d'une part. D'autre part, le voile est un dispositif de dissimulation, comme ça a été rappelé, y compris dans le brillantissime exposé que nous venons d'entendre. Alors, qu'il s'agisse de dissimuler la figure ou la poitrine, etc., je laisse évidemment ça aux exégètes. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on m'a appris, c'est que le mot même de hijab vient d'un racine qui évoque la dissimulation, et le voile est donc globalement un instrument de dissimulation d'une partie du corps, de tout le corps. Après, il y a cette idée de se cacher, de dissimuler. Or, il a très très longtemps eu effectivement cette fonction, mais dans le nouvel islam, celui que nous connaissons aujourd'hui, celui aussi des télévisions, etc., le voile est devenu, au contraire, un dispositif d'exhibition d'une certaine façon. Le voile se voit, c'est quelque chose, particulièrement dans les contextes européens, le voile se voit, il se repère même tellement qu'il est l'objet de discours, de polémiques incessantes dans le cas français. C'est quelque chose qui se voit à plus forte raison. Ici, je vais évoquer des images de l'art, et en plus de la photographie, c'est-à-dire un art visuel pas abstrait du tout. Et donc, on a, voilà simplement le paradoxe, faire dans un contexte islamique qui serait a priori plutôt méfiant à l'égard des images, fait des images dont le voile, qui est a priori plutôt un instrument de dissimulation, est l'objet central. Toutes les artistes que j'ai évoquées ont d'une manière ou d'une autre affaire avec cette question. On verra comment, elles jouent là-dessus, mais elles ont toutes plus ou moins affaire avec cette question. Le second point, c'est ce que j'appelle une situation. C'est tout bête, hein, ça a été évoqué là aussi ce matin dans l'exposé non pas de Minette, mais dans l'exposé de Madame Bégin. Elle est plus dans la salle, je crois, donc je ne vais pas discuter avec elle puisqu'elle est pas là. Ça ne se fait pas. Mais enfin, bon, sur le point de savoir si le voile est librement porté ou pas librement porté, volontaire ou pas volontaire, libératoire ou pas libératoire, je ne vais pas rentrer dans ces questions. Pour moi, d'une certaine façon, il y a en tous les cas un critère très simple de jugement qui est pas du tout sociologique, et je n'ignore pas qu'il existe une sociologie, mais il y a quand même un critère très simple qui est la question de savoir si le voile est, si le fait de ne pas se voiler est illégal ou n'est pas illégal. Tout simplement, globalement, ça différencie, pour le dire grossièrement, ça différencie l'Iran, éventuellement l'Arabie Saoudite, mais je ne parlerai pas de l'Arabie Saoudite pour d'autres raisons, des autres nations. En Iran, le voile est obligatoire, pas plus tard que la semaine dernière, une avocate qui est sur le point de recevoir 142 coups de fouet parce qu'elle s'est présentée dévoilée à son procès dans lequel elle avait par ailleurs 33 ans de prison pour avoir soutenu des femmes qui se dévoilaient. Tout ça est très lourd. Donc le voile là est quelque chose d'obligatoire. Ensuite, le point de savoir s'il y a des femmes qui aiment et qui n'aiment pas se voiler en Iran, c'est autre chose. Il est juste obligatoire. Donc la plupart des autres pays que je vais évoquer, c'est-à-dire en l'occurrence essentiellement dans des pays du Maghreb et en Europe, le voile n'est pas obligatoire. Donc à partir de là, il est libre. Il peut y avoir des pressions familiales, etc. C'est pas le problème ici. Simplement, là, le port du voile est libre et ça fait une différence. Donc, cette différence de situation va structurer mon exposé. J'ai mis d'un côté des artistes iraniennes qui travaillent à partir de cette obligation, et de l'autre, des artistes qui viennent des mondes européens maghrébins. Qui ont affaire à une toute autre situation, qui est une situation légalement de choix. Je répète, pas forcément anthropologiquement ou socialement de choix, mais légalement de choix. Et puis, le troisième point, comme ça, général, que je voudrais aborder avant de vous montrer globalement, de vous montrer mes images et de les commenter un petit peu, de les regarder avec vous simplement, c'est ce que j'ai choisi de qualifier de tension, qui me paraît là aussi lier toutes ces artistes aussi différentes, soit les images qu'elles produisent, et qui est une tension à. Je dirais comme ça, à triple. Enfin, c'est pas une tension binaire, mais plutôt une tension ternaire entre une situation collective qui est le regain d'existence du voile, parfois sous la forme, dans le cas iranien, d'une réobligation après une interdiction qui, elle-même, en 1935, quand elle avait été promulguée, avait été trop violente. En tous les cas, ce fait politique, anthropologique, ce fait culturel, qui est que les femmes sont revoilées ou se revoilent, enfin que le voile est devenu plus exactement une question depuis une trentaine, une quarantaine d'années, ou une courte cinquantaine d'années, disons, une situation collective, d'une part. D'autre part, une position totalement individuelle et subjective et sensible d'artiste, c'est-à-dire que chacune de ces femmes a un regard sur le voile, un discours visuel sur le voile qui, dans lequel elles sont chacune à titre individuel touchées, impliquées. Et puis, en tant qu'artiste, il y a cette dimension de la subjectivité artistique qui est évidemment fondamentale. Et puis un troisième point de tension dans ce système que je décris comme ternaire, qui est la nécessité, tout aussi importante pour des artistes, de rentrer dans le commerce de l'art. Il ne faut pas avoir une vision complètement complètement post-romantique, détaché ou je ne sais quoi du monde de l'art. Le monde de l'art, c'est un monde qui existe avec des jeux de rémunération, en partie symbolique, mais en grande partie aussi financière. Pour exister dans le monde de l'art, il faut vendre, il faut aussi être maintenant sur Internet, etc. Mais essentiellement, il faut vendre. Or, il se trouve que les acheteurs sont extrêmement friands de voile. Dès qu'une artiste propose une image sur le voile, paf, elle trouve un galeriste. Donc il y a aussi, donc j'oppose, si vous voulez, trois points, quelque chose, un fait collectif, un fait individuel et subjectif qui est incontestable, de l'ordre de la sensibilité, et un autre fait qui est une autre collectivité, qui est une collectivité sociale, qui consiste à un intérêt social. Qui consiste éventuellement à faire des œuvres à partir du voile, qui seront des œuvres vendables, intéressantes, mais qui peuvent être mises sur le marché, etc. Voilà, j'en ai terminé avec cette introduction générale, et donc à partir de là, je passe simplement à une présentation de quelques artistes qui me paraissent... attendez, je ne comprends pas tout d'un coup comment j'avance avec ce truc... Ça fait la flèche. Laquelle c'est... Là, je vous montre quoi. Oui, très bien. Voilà. Donc, je commence par l'Iran, où vous vous souvenez que fin 78, la révolution islamique menée par l'ayatollah Khomeini prend le. Oui, merci. Je veux bien avoir moins de lumière, effectivement. Si c'est ça que. Oui, merci. C'est un peu compliqué. Ah bon? Mais ça se voit bien, non ? On voit bien. Oh, il voit bien. Ouais. C'est mieux comme ça. Merci d'y avoir pensé. Je t'avais dit que c'était compliqué. Non, mais ça va. Ça va se déclencher automatiquement. Un islam chiite particulièrement fondamentaliste pour le pouvoir en Iran est une des premières. Un des premiers actes de ce pouvoir des mollahs consiste à exiger le revoilement des femmes. J'y ai fait allusion, le dévoilement des femmes avait été exigé par le père du Shah renversé, le premier Reza Shah Pahlavi, en imitation de ce qui se passait à l'époque en Turquie. C'est une loi de 1935, et comme ce char faisait les choses avec systématiquement avec une certaine violence, les dévoilements avaient été très violents, des femmes âgées qui avaient toujours été voilées avaient été obligées de se dévoiler, etc. Donc ça ne laissait pas qu'un... Le fait d'être dévoilé n'avait pas laissé qu'un bon souvenir aux Iraniennes, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, s'y étaient habitués, puis un grand nombre aussi préféraient ne pas être dévoilées. Du jour au lendemain, elles ont été... soumise dans un premier temps à ces tchadors, en tout cas on appelait ça en France, on appelait ça des tchadors avec ce mot-là à la bouche, très noir et très couvrant. Et une des premières artistes, à ma connaissance, à avoir pris en considération ce fait vestimentaire, c'est cette femme, c'est la Chokoufé Alidousti, qui est née en Téhéran 76. Et qui présente ses œuvres que je trouve... C'est vraiment pas possible d'avoir une lumière. Je peux essayer. C'est pas ça? Non, c'est l'éclairage de la salle. Pardon. Hein. Ouais. Donc ces œuvres qui sont, je vais vous en montrer une ou deux, qui sont des autoportraits d'une femme qui ne peut pas faire d'autoportrait à proprement parler, puisque faire un autoportrait consisterait à se présenter, à présenter sa face. Or, elles n'ont pas le droit de présenter leur face, donc elle fait des autoportraits en tchador, en laissant entreapercevoir ce qui est licite, c'est de laisser entreapercevoir, à savoir ici les... les lèvres, lèvres dont vous constaterez qu'elles sont assez soigneusement maquillées. Et du coup, le tchador, qui est un instrument d'invisibilisation, devient un support de visibilité pour des photographies qui elles-mêmes sont évidemment des photographies de portraits, donc une espèce de mise en abîme de la question du portrait. Et dans ces portraits, il y a des portraits d'hommes, des portraits anciens, ce sont des portraits souvenirs d'une époque où le voile n'était pas obligatoire, et dans ces portraits, il y a des portraits d'hommes, mais il y a aussi des portraits de femmes qui, elles, n'étaient pas voilées, puisque le voile était non seulement pas obligatoire, mais même qu'il était interdit. Donc on trouve bien des visages de femmes présentés par l'instrument même qui interdit au visage d'être présenté, à savoir le voile, et qui devient ici, je le répète, le fond de la représentation. Je vous en montre encore une autre assez belle, mais enfin très belle, je trouve, où l'on voit le profil de l'artiste présentant, se représentant elle-même enfant avec sa propre mère qui ne portait pas le voile, dans une photo ancienne, etc. Donc, voilà comment une artiste, je ne sais pas si contourne ou travaille à partir de cette obligation iranienne d'être voilée. Maintenant, je voudrais évoquer une autre artiste qui s'appelle, qui est très connue, elle, je vais aller un peu plus vite, qui s'appelle Shaj Radirian, je crois que l'on prononce, qui vit entre l'Europe et la... et l'Iran, mais enfin, qui est une artiste iranienne, qui, elle, a choisi des moyens d'évoquer le voile plus ironique en faisant deux séries de photos assez connues. La première, qu'elle a appelée Qajar, ce sont donc... Qajar, j'ai pas besoin de vous rappeler que ça fait allusion à l'avant-dernière dynastie qui a régné sur l'Iran de la seconde moitié du 19e siècle à la prise du pouvoir par Pahlavi, et qui a laissé la mémoire d'une dynastie qui avait surtout sur la fin, essayer de moderniser un tout petit peu l'Iran, même si c'était pas très facile, parce que la Russie d'un côté et l'Angleterre faisaient tout pour empêcher l'Iran, pour priver l'Iran des moindres tentatives de modernisation. Enfin, quand même, il y avait eu la création de quelques hôpitaux, de quelques écoles, etc. Et puis surtout, l'arrivée en Iran, très timide, mais quand même l'arrivée en Iran de la photographie, du dessin, et surtout de la photographie. Et donc, les classes aisées iraniennes avaient pris l'habitude de se faire photographier. Je vous montre ici une photographie iranienne qui a été prise vers 1900, de se faire photographier soit directement dans leur intérieur, comme c'est le cas ici, soit chez le photographe. Alors ici, ce sont elles jouent évidemment, elles imitent ces photos anciennes en se mettant dans un cadre de photographie ancienne avec des faux décors, etc., comme on peut en voir, comme si c'était chez un photographe, mais voilées voilées comme de manière lycée, et avec des instruments qui, eux, sont des instruments du XXe siècle, un lithoplasteur, un vélo. Dans une autre photographie, un tableau où là, deux femmes sont très très voilées, on ne peut pas voir leur visage, mais on voit un tableau, et c'est une manière probablement de représenter de façon assez assez évidente la tension entre histoire de l'Iran, histoire d'une modernisation en Iran, et cette rupture, en tous les cas, non pas rupture dans la modernisation d'Iran, puisque, comme vous savez mieux que moi, l'Iran est à bien des égards un pays extrêmement moderne, en particulier en ce qui concerne son armement, relative régression du statut des femmes, même si là encore, les choses sont assez compliquées, parce que le gouvernement iranien a continué par contre à privilégier l'éducation des femmes, qui sont aujourd'hui beaucoup plus éduquées, enfin, font beaucoup plus d'études supérieures que les hommes. Une autre série, encore plus, je vous parlais d'une tension avec aussi des aspects commerciaux, et je pense que Radirian est un bon exemple de ça, c'est-à-dire qu'elle cherche aussi à produire des images qui soient des images fortes, qui dont on se souvient très facilement en Occident, et de fait, c'est une artiste très cotée qui marche beaucoup mieux que l'artiste que je vous ai présenté juste avant. Donc là, ce ne sont plus des tchadors noirs, ce sont des femmes ou des formes féminines, après tout, on ne sait pas ce qu'il y a dessous, hermétiquement voilées, qui présentent un instrument plutôt lié au monde de la cuisine et des travaux auxquels les femmes sont ou seraient soumises, cuisine, repassage, balayage, etc. Une autre artiste qui lui est contemporaine et qui vit, elle, entre la France et l'Iran. Alors là, je regrette, aujourd'hui j'ai pas voulu risquer de vous montrer un document pris sur Internet, sachant pas si j'aurai Internet, etc. C'était un peu compliqué. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez, si vous ne la connaissez pas, vous pouvez facilement maintenant noter son nom. Elle s'appelle Razel, enfin elle signe Razel. Elle fait une partie de ses études, en moins une partie de ses études à Paris. Et elle est très connue pour une petite série de petits films. Alors c'est beaucoup plus joli quand on le voit en vidéo que quand on voit des photos. Ce sont des petits films muets qui font directement allusion aux petits films muets. C'est les premiers films de Charlot, pardon, des petits films comiques avec un petit comique de situation. C'est donc volontairement, elle a une caméra qui tressaute un peu, il n'y a pas de son et elle se présente elle-même. Ce sont aussi d'une certaine façon des autoportraits dans le tchador traditionnel noir, un peu encombré dedans, et elle essaye dans ce vêtement, de façon assez drôle, de faire des gestes, d'accomplir des micro-actions de la vie quotidienne contemporaine. Je joue au foot, alors il y en a un comme ça où elle essaie juste d'envoyer un coup de pied dans un ballon, puis elle se prend les pieds dans son tchador, elle tombe comme Charlotte tombe, hein, c'est une vraie fausse chute. Une autre, vous le voyez ici, où elle essaye de jouer de la guitare, c'est pas très pratique de jouer de la guitare, beaucoup mieux une guitare qu'un tchador, parce que le tchador coule sur les cordes de la guitare, elle est tout le temps obligée de les retirer. Et voilà, certains noms, et alors ça se voit, elle souhaite que ça se voit sur des sortes de grosses télés, genre comme les télés des années 70, celles qui ont un fond, et je vous dis, avec une image un peu bousquée. J'en viens maintenant une artiste iranienne qui me paraît faire à partir du voile le travail celui que je trouve en tous les cas le plus intéressant, encore une fois, parmi les artistes iraniennes, c'est Mehrneh Attashi, que je ne connais pas du tout personnellement, j'ai beaucoup de mal à trouver des documents sur elle, hein, je cherche quand même à trouver des documents. Ce que j'ai réussi, je connais à peu près probablement sa date de naissance, et ce que j'ai réussi à trouver, c'est qu'elle a, elle, pour le coup, eu mal à partir, avec l'État iranien, et qu'elle a fait un peu de prison avec son mari, qui est également un opposant politique, et puis ça, heureusement, ça n'a pas duré très longtemps, elle a été libérée au bout de quelques semaines, quelques mois. Enfin, c'est une artiste engagée et manifestement très surveillée par les pouvoirs publics iraniens. Et elle s'est intéressée à un sport très traditionnel, très populaire iranien, qui s'appelle la Zohrané. Enfin, le lieu, c'est la Zohrané. Et c'est un sport de lutte, hein, qui est une lutte, qui est menée par des hommes dont je vais vous montrer, qui sont des lutteurs, des hommes extrêmement musclés, extrêmement viril d'aspect, vous allez voir, et dans ces espaces, qui sont des espaces très clos, et normalement, seuls des hommes peuvent assister à cette lutte traditionnelle, qui est aussi, comme souvent les luttes, comme le sumo, etc., des fonctions religieuses, que je connais pas suffisamment pour pouvoir vous en parler. Et le fait est que ces polygones clos que sont les Zohrané ont aussi cette particularité-là d'être très très très abondamment pourvus en tableaux. Il y a énormément d'iconographie et énormément de miroirs, ce que surveille leur position. Et je vous le répète, c'est à peu près interdit ou c'est très déconseillé aux femmes. C'est un lieu traditionnellement masculin. elle a obtenu le droit de rentrer dans une autre année, mais évidemment à condition d'être complètement d'être voilée. C'est, de toute façon, c'est une condition de vie en Iran. Donc d'un côté, elle a pu y être admise, et en même temps, ce voile joue sa véritable fonction, qui est de l'invisibiliser. Et du coup, elle n'est pas vue. Alors, elle est d'autant moins vue que quand on est en Iran, quand on va en Iran, on s'en rend très, très bien compte. Il y a le voile, etc. Mais il y a d'autre part un très grand respect dans la vie quotidienne des hommes pour les femmes, lesquelles ne se font pas embêter toute la journée, comme c'est le cas, paraît-il, au Caire ou dans pas mal de villes du Maghreb, en tout cas, et là vraiment pas, outre qu'elles peuvent être tranquilles dans des wagons de métro et dans des places réservées dans l'autobus, par ailleurs, elles ne se font pas embêter à longueur de journée, c'est un fait social. Et donc là, d'une part, entre cette politesse, le fait que le voile invisibilise, tout se passe comme si elle n'était pas là. Et donc elle peut photographier, prendre des photos hallucinantes, on va le voir, de ces hommes. Dans l'intimité de leur lutte, mais aussi dans l'intimité de leur narcissisme, et de narcissisme au sens propre, puisque ce sont des lieux pleins de miroirs et d'images, comme c'est plein de miroirs, il y a une fonction d'autoportrait où elle s'autoportraiture en train de prendre des images d'hommes qui oublient qu'ils sont pris en image et qui oublient elle. Qui fait pourtant image dans image. Je ne sais pas si je suis clair, mais dès qu'il y a des miroirs, il y a ce jeu comme ça de cette cascade de mise en abyme qui est extrêmement intéressante. Alors ici, je vous montre une des photos qui est peut-être la plus simple, où l'on voit trois lutteurs dans des miroirs et elle qui les photographie. Mais voici une photo, une autre photo, l'on voit ce lutteur, qui fait de la gonflette et qui du coup est, je vous vois sourire à juste raison, qui est un petit peu ridicule dans sa force et qui pose, photographié par ses femmes. Et alors, elle en vient à prendre, vous voyez dans une image comme celle-ci, j'ai mis en face le tableau de Chassériau parce que qui est un tableau orientaliste dans lequel Chassériau prend, invente en partie, trouve en partie une gestuelle qui sera la gestuelle de l'oriental, la dite danse du vent, danse des sept voiles, machin, tout ce regard masculin européen, etc., sur le corps de la femme orientale. Chez Chassériau, on est en plein orientalisme, même si le tableau s'appelle Tepidarium et comme très souvent les orientalistes jouent sur une sorte de latinité orientale. Et vous voyez que la femme qui fait comme ça ce geste avec son voile, qui est un geste très érotique à destination d'un regard masculin, ce geste est en fait le même que celui fait par l'homme, ou à peu près le même fait par l'homme sur la photo, à cela près évidemment que l'homme lui porte des poids, qui ne porte pas un voile. Et il est photographié, on le voit de dos aussi dans le miroir, et du coup on voit de face dans le miroir la photographe qui le photographie. Et là, c'est une photo comme celle-ci me paraît très subversive parce que, à la faveur de son voile, elle arrive aussi à inverser les rapports scopiques, les rapports visuels genrés, tels que la femme serait regardée par l'homme, serait le modèle, etc. Toutes ces choses qui ont été très bien décrites, par exemple, par les historiennes de l'art féministe dans de nombreux ouvrages. Tout ce qui est de l'ordre du corps habillé vers le corps nu, l'homme généralement habillé vers le corps nu de la femme, tout ça c'est complètement inversé. Et elle peut même aller plus loin ici. Je vous montre des détails de ces photos où son appareil photo, cette espèce d'œil comme ça qu'elle tend vers ces corps masculins qui à la fois le savent et l'ignorent, sont en train de se regarder, donc sont pris en plein délit de narcissisme. Ce sont des hommes au miroir. Mais aussi cette image, on a des images de la femme au miroir, c'est en attendant qu'on veut à la fois dans nos imaginaires et dans notre iconographie, des images d'hommes se contemplant et pris en train de se contempler sans qu'ils sachent qu'ils sont en train de se contempler, donc pris en plein délit d'auto-érotisme, d'auto-satisfaction, à plus forte raison par un instrument de vision dont la forme est quand même très phallique, ça se voit peut-être encore mieux ici, et je le répète, assez subversif. Je vous montre un dernier détail. Vous voyez ici, donc, ces hommes qui rient à gorge déployée, qui torse nu dans ces magnifiques costumes, dans ces magnifiques pantalons brodés, qui ne font pas attention au fait qu'elle est en train de les photographier, se trouvent avoir, au moins pour un regard occidental, des attitudes physiques qui sont celles, par exemple, des inuits du temps de Denis. Or, les inuits du temps de Denis de Michel-Ange, je pense que là, ma comparaison est assez classique. Assez évident. Je parle là d'image, hein. Je n'ai pas vérifié que Méranie Attaché connaît bien Michel-Ange. Après tout, j'en sais rien. C'est mon travail à moi de regarder à quoi une image ressemble. En l'occurrence, ça ressemble à ça. Et vous savez que par ailleurs, ces inuits sont une des grandes. Une des images princeps de l'iconographie homosexuelle en Occident. Ça a été repris d'innombrables fois, etc. Donc, alors que l'homosexualité est interdite en Iran d'une part, et que d'autre part, je ne pense pas du tout que ces hommes soient particulièrement homosexuels, enfin, je ne sais rigoureusement rien, et ce n'est pas mon problème, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont ici, ils affectent dans leur posture, qui sont pourtant des postures de vérité triomphante, des attitudes qui sont, pour le regard occidental, or ces photos sont destinées, il n'y a pas de marché de l'art en Iran, si vous voulez, elle ne va pas les vendre en Iran, donc si elle les vend si elle arrive à les vendre quelque part, c'est pour ça que je parlais de l'attention tout à l'heure, si elle arrive à les vendre quelque part, c'est en Occident, et donc chez des gens dont le regard est fait à décoder, entre autres, ainsi l'attitude de ces hommes. Puis je termine là sur une dernière image tout aussi magnifique que j'ai à peine à commenter, où ces hommes, en fait, ils sont en train de soulever des poids extrêmement lourds, etc., des rituels dans lesquels j'entre pas, mais ce que l'on voit, c'est ces trois types qui sont à ses pieds, alors qu'elle n'est pas censée être là. Finalement, ils finissent en quelque sorte à la fois un peu bestiaux, comme une espèce de trois gros chats ou trois gros félins qui rentraient, qui feraient le dos plat comme font les félins, et en même temps qu'ils sont quasiment à ses pieds, sans en rien savoir. Et là, je pense qu'il y a un retournement de situation grâce au voile, enfin, je veux dire, en jouant sur le voile qui est intéressant. Alors, je passe très rapidement à une artiste qui m'intéresse moins, qui est iranienne, qui ne vit pas en Iran de toute façon, et qui du coup n'est absolument pas contrainte au voile en aucune manière. C'est une artiste américaine, en fait, qui va à New York, qui s'appelle Shane Neshat, très connue, donc j'allais vite, je voudrais juste vous montrer des photos, la manière dont elle joue, là encore, sur des scènes, et elle, ce qui note rien, c'est une très grande photographe, une très grande cinéaste, et c'est pas un temps de jugement. Mais là, il s'agit de, dans la tension dont je parlais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est absolument pas soumis au voile, et qui fait du voile un instrument esthétique, comme vous le disiez tout à l'heure, et où elle joue sur cette image. Alors là, à destination d'acheteurs essentiellement américains, sur cette image du voile comme danger. Donc là, la passionnariat avec la calache et le voile, et des écritures que personne n'arrive à lire, moins que ces acheteurs ont beaucoup de mal à lire, et qui seraient de toute façon a priori inquiétantes. Et puis, elle a c'est la dernière image, ou l'une des dernières images d'une vidéo archi-célèbre qui s'appelle Rapture, qui est très beau, qui est très, une vidéo muette, assez longue, ça dure une trentaine de minutes, si mes souvenirs sont bons, c'est très mystérieux, mais on voit un fort, un château, sur un oppidum, quoi, sur une plage, c'est de toute évidence une construction franque, mais je ne sais pas où est-ce que ça a été tourné, sur une plage, et dans ce fort, sont comme enfermés des hommes qui sont vêtus d'un pantalon, j'ai oublié comment, mais d'une chemise blanche. Ils sont tous en chemise blanche, bien entendu sans voile, et ils vont et viennent à l'intérieur de ce fort comme s'ils étaient assiégés ou comme s'ils attendaient une invasion, quelque chose comme ça, une situation comme ça, de un peu comme dans le désert des Tartares, si vous voulez, dans le roman Le désert des Tartares, ou dans ce genre de texte, de situation littéraire où des gens attendent, mais ils attendent quelqu'un, et puis finalement ce qui vient de la mer, ce sont des femmes, ces femmes voilées parler comme des oiseaux noirs, comme des corneilles un petit peu, qui une à une sortent assez mystérieusement de la mer, envahissent la plage et vont entourer le fort. Et donc là, c'est dans ce dispositif d'enfermement et d'isolation, ce sont les hommes qui sont enfermés, qui sont d'une certaine façon fragilisés, et les femmes qui rentrent. J'ai encore un peu de temps ou pas? Oui, oui. Je m'en rends pas compte. 5 minutes. Hein? Bon. Alors, je vais aller plus vite sur la situation d'Afrique du Nord et d'Europe en évoquant quelques images de voile. Zineb Sedira est une artiste d'origine musulmane. Je sais pas si elle est encore musulmane, mais elle a travaillé sur l'islam de ses parents avec des interviews très beaux de son père et de sa mère. Et elle a vécu, en fait, elle est née en France, elle a vécu une bonne partie de sa vie en France, en région de Rouen, et maintenant elle est plus ou moins anglaise, et elle vit en Angleterre, en tous les cas au Royaume-Uni. Je ne sais pas très bien comment ça va se passer dans un avenir prévisible, mais enfin pour l'instant, à connaissance, elle vit au Royaume-Uni. Et elle travaille beaucoup sur la mémoire de l'immigration, sur l'adaptation de l'islam dans l'immigration, etc. Et elle a fait en 2000 ces séries d'autoportraits qu'elle appelle Pour l'un, Trinité, pour l'autre, la Vierge Marie. Je pense que ça parle de soi. Oui, c'est ça. Ça parlerait évidemment mieux de soi si vous les voyiez. C'est blanc sur blanc, hein, c'est des monochromes. Elle est vêtue d'un voile qui n'est pas qui blanc, mais qui n'est pas un haïek ou haïk traditionnel du Maghreb, qui est une sorte de voile en quelque sorte abstrait, qui pourrait presque être un voile religieux catholique, qui ne l'est pas non plus, puisqu'il a la forme d'un voile religieux musulman avec le bandeau sur le nez, et qu'elle interprète. Donc c'est en fait un voile qui n'existe pas du point de vue social, politique ou anthropologique, qu'elle interprète comme une sorte de, alors je ne sais pas très bien si c'est une sorte de rencontre des religions ou de on peut aussi y voir l'art étant heureusement très polysémique, quelque chose comme critique discrète du fait que quelle que soit la religion, elle voile les femmes. Je suis assez circonspect à titre personnel à l'endroit du travail de Lala Saïdi, une artiste marocaine qui vit aux États-Unis et qui travaille sur l'orientalisme d'une façon qui ne me convainc pas, je le dis sincèrement. Sa grande idée, c'est d'abord de faire des images extrêmement belles, un peu trop belles pour mon goût, un peu léchées, et ce qu'elle va racontant, qui je crois est faux, et j'ai entendu tout à l'heure dans l'un de vos exposés la confirmation de ce que c'est, dans votre exposé, Madame Hashim, la confirmation de ce que c'était faux, elle va disant que la calligraphie serait interdite aux musulmans neutres. Je ne crois pas du tout, mais enfin c'est ce qu'elle raconte. Et là, elle fait des calligraphies au henné. Alors donc le henné, c'est une des pratiques féminines. Alors là, d'un entre-soi féminin par excellence. Donc elle prétend passer d'un genre à l'autre en faisant symboliquement au henné un art masculin, donc un art féminin du henné, un art masculin qui serait la calligraphie, et jouer sur une mémoire générationnelle du haïk qui porterait une écriture. Voilà. C'est apprécié, et son discours est celui-là, et me paraît un peu léger. Également, je voudrais vous présenter le travail de Majida Khatari, qui n'est à Food, mais qui vit à Paris, et qui, elle, fait quelque chose d'assez intéressant, surtout qu'elle le fait depuis longtemps. Elle le fait depuis 96, hein, donc depuis un peu plus de 20 ans, ce qu'elle appelle des défilés performance autour du voile. Et c'est assez intéressant parce que ça permet de poser en artiste un des problèmes qui est très très souvent soulevé par le voile, particulièrement très souvent soulevé en France, mais elle travaille en France, qui est celui de la mode. En ce moment, les Français, je suis très très fréquemment sollicité par la presse pour ce genre de questions auxquelles je ne réponds pas parce que j'ai pas grand chose à en dire, c'est pas ma spécialité, mais les Français sont très embêtés en ce moment par quelque chose qui est que le voile commence à se vendre. Alors, c'est vendu chez Zara, il est vendu en maillot de bain, le luxe se met à faire du... Voilà, les Français savent plus quoi faire. Mon Dieu, s'il n'y a pas que les pauvres qui se voilent, il n'y a pas que les filles d'immigrés, machin, globalement ouvriers, donc chômeuses, malin, donc qu'on peut traiter. Il y a aussi des Françaises aisées qui vont se mettre à acheter dans des grandes marques. Donc, terrible, est-ce qu'on admet le voile au risque de ne plus être dans cette laïcité anti-voile que vous connaissez bien, ou est-ce que, mais pour servir le capital et la mode qui est souveraine, ou est-ce que l'on récuse le voile, mais alors il faut aussi récuser le capital et la mode qui est souveraine, donc elles sont très emmerdées. Et c'est intéressant de voir que très tôt elle a compris ça et inventé des défilés qui sont des défilés avec des voiles absurdes. Comme par exemple ce voile, une femme voilée dans le drapeau français. Alors, il y en a comme ça beaucoup. Bon, ensuite, ça c'est par exemple en 2012, ceci n'est pas un voile, où elle faisait défiler des femmes nues, mais le visage voilé, et derrière des écrans qui sont aussi des hijabs, y compris dans le sens premier de hijab, donc parfaitement licite. Et ça, c'était en plus Place de la République, donc dans ce lieu particulièrement symbolique. Alors, je voudrais terminer par un travail récent, très intéressant, qui est très proche de la... De la sociologie d'une jeune artiste. Très curieusement, je la connais personnellement, elle voulait faire une thèse avec moi, elle a pas pu pour d'autres raisons. Je peux vous dire que c'est une jeune femme, mais je n'ai pas réussi à trouver sa date de naissance. C'est assez facile d'habitude de trouver sur Wikipédia ou ailleurs la date de naissance des artistes. Donc je sais qu'elle est née après 90, c'est une très jeune femme qui est encore dans sa vingtaine ou tout début de sa trentaine, mais je peux pas vous dire exactement quel âge, ça n'a pas beaucoup d'importance. Sinon, ce qui est plus intéressant, c'est qu'elle est sortie il y a 2-3 ans des Beaux-Arts de Paris, hein, donc voilà. Et elle a eu un succès immédiat. Son premier travail, alors que c'est pas très facile d'émerger dans le monde de l'art, surtout pas dans une ville comme Paris qui est très méfiante à l'endroit des jeunes, elle a tout de suite trouvé une galerie et elle a même eu 20 heures pour sa première exposition, quelques minutes aux 20 heures de je ne sais plus quelle chaîne publique, TF3. Trois, je sais pas quoi, parce que je connais pas la télévision. Enfin, elle a eu un 20h. Donc, honneur extraordinaire, parce que c'était sur le voile. En quoi elle est pas bête? Elle s'appelle Maya Inestouane, elle est franco-algérienne. Son premier boulot, elle le fait sur le voile, elle est sûre qu'on va parler d'elle, et de fait, ça a pas raté. Mais son travail est très intéressant. Elle a été donc plusieurs villes d'Algérie, ce qui ne lui est pas très difficile parce que c'est la patrie de ses parents, où elle a rencontré des femmes voilées, pas voilées, refusant de se voiler, voulant se voiler, voilées, toutes les situations sociales du voile qu'elle a pu rencontrer dans des grandes villes d'Algérie, et elle les fait parler. Donc il y a un aspect presque sociologique, il y a des verbatims très longs, là je n'ai pas le temps de les lire, et elle les photographie de façon avec un protocole de photographie un peu inspiré de l'objectivisme allemand, comme ça, de ces modes de photographie, donc c'est toujours à la même distance, dans le même lieu de préférence. Alors vous ne voyez pas ici dans le même lieu parce que c'est dans des villes différentes, mais dans chaque ville, par exemple à Alger, c'était toujours dans cette pièce avec le sol dallé sur le fond bleu, et ces femmes racontent leur relation au voile. Qui peuvent, et donc ça montre la complexité de cette relation, et elles sont photographiées, donc elles acceptent au minimum de faire image, sauf, et je termine là-dessus, sauf une. Donc ici, par exemple, c'est une femme qui raconte longuement comment elle s'est débarrassée du voile qui lui avait été imposé à son mariage, et qu'elle a toujours détesté ça, et elle raconte sa stratégie de toute une vie pour ne pas se voiler. Tandis qu'ici, cette femme, au contraire, prétend porter le djilba pour plaire à Dieu, donc avec une interprétation extrêmement théologique et fausse théologiquement du djilbab, mais c'est, voilà, pour elle, c'est le vêtement, et du coup, elle est effectivement voilée. Ici, une fille et sa mère qui ne portent pas le même voile, qui n'ont pas la même relation au voile, mais qui toutes les deux portent le voile, et puis, c'est la dernière image que je vous montre parce que je pense que j'ai exposé mon temps de parole, enfin je détaille le temps que je termine, une femme non voilée qui, elle, refuse de faire image. Donc là, globalement, j'ai ouvert sur ce paradoxe du voile qui permettrait de faire image, et je close sur un autre paradoxe qui est le non-voile qui permettrait une non-image, et tout à fait volontairement, elle laisse le tabouret libre, et donc intelligemment, Maya Inès Touam photographie le tabouret qui est le tabouret de la photographie des femmes voilées et dévoilées, et elle laisse juste le verbatim, je ne me voile pas, mais j'ai pas envie que ça se voit. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.